chance de... Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes le vendredi 27 novembre 2015. Merci de vous réveiller avec un autre jour est possible. Dans un instant, on retrouve Toby Nathan, écrivain, ethnopsychiatre pour notre série. Après le choc, trouver les mots, chercher les remèdes. Aujourd'hui, on va parler de la prévention. Deuxième partie, François Lebescon viendra nous parler d'une exposition et d'un très beau livre autour de Philémon, bien sûr, le personnage du très regretté Fred, le dessinateur. Mais tout de suite, tête chercheuse, Toby Nathan. Bonjour Toby Nathan. Bonjour Tofik. Après le choc, trouver les mots, chercher les remèdes. Aujourd'hui, dernier épisode, la prévention. Peut-on parler de prévention alors que le choc, la terreur, que, comme vous l'avez expliqué depuis lundi, c'est d'abord une surprise parce qu'on ne s'y attend pas. Oui, absolument. Alors, comment est-ce qu'on fait pour prévenir l'inattendu, en fait. Exactement. Alors, écoutez, pour vous parler de ça, j'ai pensé à deux détours, en fait, pour être introduit à ça. Le premier, c'est une expérience qui est racontée par beaucoup de survivants des camps de concentration. Ceux qui ont le mieux, enfin, qui ont été les moins atteints, enfin, tout le monde a été très, très atteint dans les camps de concentration, mais ceux qui ont résisté le mieux à la terreur organisée, en fait, hein, qui était un camp de concentration nazi, ceux qui ont résisté le mieux, c'est ceux qui avaient été initiés à quelque chose d'autre. C'est-à-dire les communistes, par exemple, parce qu'ils faisaient partie d'un groupe, qu'ils étaient initiés, qu'ils avaient la conscience d'appartenir à un groupe, et ça a été les religieux, en fait, hein. Par exemple, les témoins de Jéhovah, par exemple, qui ont été aussi mis en camp de concentration, etc. Parce que ils appartenaient à un groupe et qu'ils avaient conscience d'appartenir à un groupe et que ce qu'ils étaient en train de traverser était perçu, conçu comme une épreuve dont, au bout du compte, ils pourraient en tirer bénéfice, en fait. Ben, j'en tire une conclusion qui s'impose, en fait, hein. La meilleure des préventions, c'est de préparer les gens en les intégrant à des groupes qui sont des groupes d'avancée, de réflexion avancée, on va dire. On est à un point où on est confronté dans le monde à des situations qui sont des situations catastrophiques généralisées. On est entré dans un moment de conflit qui va être long, tout le monde le comprend, qui va être long, et on va traverser des moments comme ceux qu'on a traversés, on va en traverser d'autres, probablement, nos dirigeants nous le disent, n'arrêtent pas de nous prévenir, je pense qu'ils sont bien placés pour le savoir, mieux que moi, en tout cas, et qu'il est prévisible qu'on rencontre des choses comme ça, donc il est indispensable de constituer des groupes, avant, pour que les personnes qui se retrouvent là soient déjà des personnes qui participent à ces groupes-là. Mais ça dépend des groupes. On peut se regrouper pour le meilleur et pour le bien pire. Bien sûr, bien sûr. Mais des groupes de réflexion, on va dire géopolitique. La psychologie, c'est de la géopolitique. Toby Nathan, est-ce que les réseaux sociaux peuvent remplacer ce genre de mobilisation? Alors les réseaux sociaux, vous savez, j'ai quelques informations là-dessus. Sur les réseaux sociaux. Je pense que, par exemple, on a beaucoup dit que les djihadistes étaient initiés de manière solitaire en face de leur ordinateur. C'est vrai et c'est faux. C'est vrai et c'est faux parce que ils rentrent en contact avec tout un réseau au travers des réseaux sociaux, mais en même temps, ils confrontent ce contact au groupe auquel ils appartiennent. C'est-à-dire, on leur dit dans les réseaux sociaux que telle chose est vraie dans l'islam, ils s'en vont, ils vont à la mosquée, ils posent la question à l'imam. Est-ce que c'est vrai ce que j'ai entendu dire? C'est-à-dire, les réseaux sociaux sont pas des choses qui sont un contact virtuel seulement. Non, c'est très aussi... intéressant, mais c'était pas le sens de ma question. Depuis les attentats du 13 novembre, nous passons beaucoup plus de temps. Beaucoup plus de temps que qu'avant sur les réseaux sociaux, comme si on avait envie de constituer un groupe. C'est ce que vous nous dites, Toby Nathan. C'est vrai. Je pense qu'il est indispensable de constituer des groupes, et je pense que les événements qui se sont passés sont l'occasion de constituer ces groupes de réflexion géopolitique, de comment les événements du monde influe notre vie personnelle. Il faut choisir des maîtres qui conviennent, on va dire. Alors ça, c'est le premier point, parce que vous m'avez posé la question de la prévention. La prévention, c'est pour les gens à qui ça pourrait arriver. Mais il faudrait prévenir aussi les gens qui pourraient basculer de l'autre côté. Et ça, je pense que là, on a un vrai boulot à faire, qui est peut-être plus urgent et plus facilement dont l'urgence est plus facile. Mais c'est pour cela que qu'on voulait vraiment vous entendre cette semaine, Toby Nathan. Qu'est-ce que vous préconisez, vous? C'est-à-dire, je travaille avec les populations des banlieues depuis 45 ans. Je les connais pas intimement. Je les connais quand ils ont des problèmes psy, en fait. Hein. Mais ça donne une fenêtre sur leur vie. Ça donne pas tout sur leur vie. Ça donne une fenêtre sur leur vie. J'ai une certaine connaissance de ces populations. Ces populations, ça fait très longtemps qu'elles ont une soif de connaissances philosophiques. Ça a l'air idiot ce que je dis, hein. De connaissances philosophiques, c'est-à-dire de savoir sur l'être, sur Dieu, sur les choses cachées. On leur a refusé ça. On leur a dit occupe-toi des choses concrètes, occupe-toi de ton CAP de mécanique, occupe-toi. C'est comme ça qu'on leur a répondu. Ils ont filé ailleurs où il y avait une possibilité de réponse de cette nature. C'est-à-dire une quête quoi, spirituelle, métaphysique? Métaphysique, exactement, c'est une quête métaphysique, et je pense que cette question est totalement absente, et il n'y a aucune proposition de cette nature qui est faite dans les banlieues à cette jeunesse. Plutôt que de venir et de lui proposer de faire des propositions coercitives, il faut leur faire des propositions qui les embarquent, dans des réflexions qui les dépassent. Ils posent des questions sur l'être, sur l'avenir du monde. Et je pense qu'il faut former des philosophes. C'est des philosophes dont on a besoin. Des gens qui savent parler des choses cachées du monde. Et ça, je peux vous dire que chaque fois qu'on a pu faire ça, individuellement, avec un de ces gamins, ou parfois dans des groupes, à chaque fois qu'on a pu faire ça, les gens partaient, montraient combien ils étaient intelligents, parce que ces personnes qui s'embarquent dans ces aventures-là sont des gens qui sont parmi... Alors, on les a décrits de manière négative. Je crois qu'il ne faut pas prendre les choses par ce bout-là. Il faut voir que ça a été souvent parmi les plus dynamiques de leur génération. Pensez à ce premier qui avait fait beaucoup de bruit, j'ai oublié son nom. Khaled Kelkal, qui était le premier de sa classe quand même. Mmh. Khaled Kelkal, et qui était quelqu'un qui avait justement des demandes de type intellectuel avancé, et auquel on lui a fait des propositions qui étaient des propositions matérialistes, en fait. Eh bien, cette personne, elle a basculé dans l'autre camp. Et je pense que c'est là où il faut aller les prendre. C'est faire de la prévention, c'est aller proposer des choses de nature avancée, complexe, métaphysique, à une population qu'on croit démunie, incapable de comprendre, alors qu'elle est assoiffée de ce type de connaissances. Et d'autres choses, peut-être, d'un peu plus de sens dans la vie. Comment vous avez réagi à ce témoignage d'un rescapé du Bataclan qui racontait cette scène incroyable, c'est-à-dire un des terroristes qui sortait un billet de 50 euros et qui le brûlait. Ouais. Ça a une charge symbolique, c'est-à-dire qu'on... Mais c'est complètement la philosophie qu'ils ont apprise, hein. Je veux dire, c'est une philosophie, je la connais, cette philosophie. C'est pour ça que je vous dis que c'est des gens qui sont intéressés par les choses ésotériques, en fait. Cette philosophie, vous savez ce que c'est? C'est que on leur explique que le shaitan, le diable, murmure à votre oreille. Et on dit « weswes », en arabe on dit « weswes ». Mmh. C'est le diable qui vient, qui vous murmure à l'oreille. Qu'est-ce qu'il dit, le diable, à votre oreille? Il vous dit « profite de la vie ». Sois heureux dans le monde, accepte de te marier, d'avoir une voiture et d'être banal. Ça, c'est le diable, c'est la parole du diable. Alors que la vérité du monde n'est pas là, la vérité du monde est dans les connaissances cachées. Donc sacrifie les biens du monde, c'est ça qu'il lui a montré. Sacrifie les biens du monde pour atteindre la vérité qui est cachée derrière, qui est la vérité de Dieu. C'est ça qu'il lui a proposé, en fait, hein, en brûlant les billets de banque. C'était une proposition. Il a dit, moi, j'ai eu accès à une connaissance ésotérique. Toi, tu es victime des murmures du diable. Pour terminer, Toby et Nathan, cette série, tout le monde dit, il y a un avant et un après 13 novembre. Pour vous, c'est quoi l'après 13 novembre? C'est réfléchir autrement, réagir autrement, intervenir autrement? C'est réfléchir autrement et intervenir autrement auprès de notre jeunesse. Ceux qui sont les moins susceptibles de basculer et ceux qui sont en danger, en fait, les populations à risque, on va dire, entre guillemets, on les connaît, les populations à risque, qui sont les populations de nos banlieues, en fait, hein, il faut dire les choses telles qu'elles sont, eh bien, il faut leur apporter de la nourriture mentale. Pas, non pas de la nourriture matérielle, mais de la nourriture mentale. Vous l'avez pas dit spirituel, vous auriez pu? Ouais, parce que spirituel, ça donne un côté religieux. Ouais. C'est pas de la religion. Du sens. C'est de la pensée. C'est de la pensée complexe. Après le choc, trouvez les mots, cherchez les remèdes. Toute cette semaine avec Toby Nathan, vous pouvez désormais avoir l'intégralité de cette série en passant par franceculture.fr. Tout est à votre disposition à la page d'Un autre jour est possible, l'écoute en ligne ou le podcast. Merci beaucoup, Toby Nathan, de nous avoir accompagnés cette semaine. And I still get dressed. autre jour est possible. Par Toufik Hakem. Tous les matins sur France Culture. Et maintenant, l'invité culturel. Et mon invité du jour est François Lebescon, avec vous, bonjour. Bonjour. Avec vous, on continue à parler d'art et d'un grand artiste, Fred, qui nous a quittés il y a un peu plus de 2 ans. C'était oui. En avril 2013. C'est ça, exactement le 2 avril 2013. Et en ce moment, on rend hommage à Fred et surtout à son personnage, Philémon, à travers une exposition qui a lieu en ce moment à la Galerie Martel, dans le 10e arrondissement à Paris, jusqu'au 6 janvier. Et vous en profitez pour sortir un beau livre, un artbook, toujours autour de Philémon et de Fred. Vous le connaissiez depuis longtemps, François Lebescon? Oui, on s'est côtoyé pendant à peu près 24 ans, donc effectivement on a eu le temps de se connaître pendant ces nombreuses années. On va écouter Fred justement parlant de Philémon. Goscinny s'occupait d'un journal qui s'appelait Pilote, là, donc, et qui était destiné aux adolescents. Donc j'ai choisi un adolescent comme personnage principal, c'était Philémon. Parce que c'est bon pour que le lecteur puisse s'identifier au personnage, si on veut, quoi. Jusque-là, le public, il avait du mal à entrer dans mes histoires, quoi. Le dessin était inhabituel, et puis petit à petit, ils se sont faits, puis après, ça a accroché à partir du naufragé du Hall. Là, il y a un petit garçon de 8 ans qui m'avait écrit en me disant « Oh, quelle belle histoire !» et tout ça, quand c'est paru dans le journal. Il n'y avait pas d'album à l'époque. Et il dit « Mais je suis triste parce que le Puisateur, en parlant de Barthélémy, le Puisatier, là, il disait « Parce que le Puisateur n'est pas remonté avec Philémon. » Ben, il avait 8 ans, il avait 10 lignes, hein, et puis bien écrit, quoi. Et là, j'ai senti que ça démarrait, que ça avait accroché, qu'il y avait un public pour ça, quoi. C'était pour art.net, Fred, parlant de Philémon. Ça vous fait quoi d'écouter Fred parler François Lebescon, vous qui avez été son éditeur pour les dernières années? Vous avez travaillé 26 ans avec lui. Oui, c'est ça, on s'est connus en 1989-90 de mémoire, et c'est en fait assez troublant d'entendre le son de sa voix, parce que c'est vrai qu'il y avait longtemps que j'avais bien sûr, évidemment, pas entendu cette voix. Et Philémon, aujourd'hui, ça représente quoi pour ceux qui n'ont pas connu les débuts de Philémon, qui n'étaient pas là il y a un demi-siècle, puisque Philémon a 50 ans aujourd'hui? Oui, alors Philémon est apparu en 1965, donc c'est vrai que ça fait 50 ans. Et Philémon, c'est un peu la quintessence de l'œuvre de Fred. C'était en fait, il a fait d'autres albums, comme le Corbaco Basket ou le journal de Jules Renard lu par Fred. Mais cet album-là, en tout cas cette série-là, est vraiment à part dans l'œuvre de Fred. Déjà, il y a 16 titres, donc ça a été une série au long cours, entre guillemets. Et c'est vraiment tout ce qui fait la saveur de Fred qui apparaît dans cette série. Son dessin bascule entre ciel et mer, l'élégance simple de son trait imaginaire qui fait s'envoler château et voiture dans les airs, le charme attendri de ses personnages où est enfui un ogre naïf, souvent accompagné d'un gentleman, mais le regard noirci par son haut de forme, et puis partout autour, l'eau, l'océan, les nuages, les tempêtes et les déserts, les matins joyeux et les jungles méconnues. Il n'y a aucun doute, Fred naît d'un songe de son vieux compatriote Homer, fait à la suite d'une nuit où, regrettant d'avoir oublié je ne sais quel fantasque neveu de Poséidon dans son Odyssée, il exagéra un tantinet sur l'ouzo. Ça, c'est Jean-Michel Ripe qui signe l'introduction de ce beau livre que vous sortez chez Dargaud autour de Philémon de Fred. Oui, Jean-Michel Ripe nous a fait le plaisir et l'honneur de faire cette préface. En fait, il se trouve qu'il s'était rencontré à plusieurs reprises, notamment au Théâtre du Rond-Point que dirige Jean-Michel Ripe. Et j'avais eu l'occasion de le rencontrer avec Fred. Et il se trouve qu'ils avaient des amis communs comme Roland Topor. Comme GB surtout, GB qui était un proche de Fred et qui a très bien connu Jean-Michel Ribes. Toute une époque. Et oui. Toute une époque. Vous aviez quel âge quand vous avez, vous, découvert Philémon, François Lebescon? J'étais un peu plus jeune que Philémon. Fred a toujours considéré que c'était une espèce d'adolescent, donc il était assez peu précis sur l'âge exact, un peu comme à l'instar de Hergé avec Tintin. On n'a pas vraiment, on connaît pas vraiment son âge, mais grosso modo, il avait 15-16 ans, son personnage. Et moi, j'étais peut-être un peu plus jeune quand j'ai découvert les premiers albums de Philémon. Comment? C'est vos parents qui vous ont fait découvrir ce monde, eux-mêmes portés justement par la poésie des lettres, du monde de Fred? Alors, je l'ai découvert parce que je lisais Pilote, ou plutôt mon père, comme souvent cela arrivait à l'époque, lisait Pilote et je lui piquais les numéros de Pilote et je m'engouffrais après dans les pages de ce magazine, dirigé alors par René Goscinny, l'immense René Goscinny. Et c'est comme ça que j'ai découvert les premiers épisodes de Philémon, et ça a été tout de suite un immense bonheur, vraiment. Et pour vous, aujourd'hui, c'est, Philémon, c'est quoi? Ce sont des rêveries datées ou c'est une philosophie qui est toujours en cours? C'est un peu particulier, parce qu'en fait, bien sûr, j'avais lu tous les épisodes de Philémon, sauf le dernier qui est sorti seulement il y a un peu plus de 2 ans. Et pour lequel il était venu en parler à mon micro, exactement, Fred. Ouais. Exactement. Et en fait, il avait arrêté son personnage pendant de nombreuses années. Et moi, j'en avais toujours une espèce de nostalgie. Donc, bien sûr, je l'incitais à reprendre ce personnage. Mais voilà, il avait d'autres envies à ce moment-là. Il sortait d'un moment assez difficile, par exemple au début des années 90. Donc, c'est comme ça qu'il a fait le fameux Corbac au basket, où on voit très bien qu'il règle ses comptes avec une forme de psychanalyse, par exemple. Il y a beaucoup de choses personnelles qui ont été mises dans cet album. Et Fred n'avait pas forcément envie de revenir à ce personnage, Philémon, qui était vraiment le personnage qu'il avait accompagné des années durant. Et même si je l'incitais, moi, en tant qu'ancien lecteur et éditeur, je l'incitais à reprendre la vie de ce personnage, la vie fictive, virtuelle, puisque c'est des personnages de papier. Mais voilà, il n'était pas encore prêt. Et puis un jour, l'idée est revenue. Et c'est comme ça qu'il est reparti sur un nouvel album. Mais c'est quoi votre lecture d'adulte, François Lebescon, de Philémon? Alors c'est bien sûr un mélange de souvenirs d'adolescents qui lisaient ça et qui étaient émerveillés de voir qu'on pouvait voyager sur des lettres de l'Atlantique. Ça, c'était quand même assez incroyable. Des vraies lettres, hein, c'est l'alphabet. Et oui, et c'était quand même à chaque fois une aventure, un voyage très particulier à la Lewis Carroll. Et puis après, c'était une deuxième lecture, comme souvent chez Fred, on se rend compte, et chez d'autres auteurs comme René Goscinny, qu'il y a un deuxième degré derrière ça. Il y a des choses plus sérieuses, bien sûr la quête d'une identité, la recherche de soi-même, et en fait, finalement, les aventures de Philémon, c'était beaucoup ça, c'était Fred qui parlait de lui-même de façon détournée, ce personnage toujours émerveillé en découvrant ces fameuses lettres ou ces personnages improbables comme le centaure, c'était quelque part Fred qui gardait ce regard d'enfant, parce que lui-même était resté un enfant. Voilà, et jusqu'au bout, il voulait garder ce regard d'enfant. Il s'est bien gardé, d'ailleurs, d'analyser, de décrypter son œuvre quand je l'avais reçu, Fred, puisque je m'étais rendu compte, puisqu'aujourd'hui, en fait, les 150 ans d'Alice au Pays des Merveilles, je lui ai posé la question, est-ce que lui, il avait voulu rendre hommage à Lewis Carroll et à Alice pour le centenaire, puisque Philémon a 50 ans, comme on vient de le dire, François Lebescon. Il le faisait exprès, Fred, de ne pas vouloir analyser son œuvre, parce que j'ai l'impression qu'il a effectivement toute cette lecture philosophique qu'il voulait nous offrir, mais sans livrer les clés avec. Comme le font très souvent les grands artistes, d'ailleurs. Oui, il y a du vrai là-dedans. En fait, vous citez Lewis Carroll, ça c'est très intéressant, parce qu'il a toujours adoré Lewis Carroll, comme d'autres auteurs anglo-saxons d'ailleurs, comme Poe, etc. Par contre, il a toujours détesté analyser son œuvre. Lui, bien sûr, il n'avait qu'un regard d'auteur, ce qui est quand même pas rien, puisque c'était lui le créateur. Mais il n'avait pas envie d'analyser, d'expliquer qu'il y avait des messages, des sous-messages, qu'il y avait... voilà, ça, il ne le disait pas. Il pouvait le penser, mais il ne le disait pas nécessairement. Autour de Philémon, donc, c'est édité chez Dargo, et on peut voir les originaux dans cette belle exposition qui a lieu actuellement et jusqu'au 6 janvier à la Galerie Martel. Oui, alors on voit les originaux, on pourra voir les originaux de Philémon, mais pas que, d'ailleurs, pas que de Philémon à la Galerie Martel. Et c'est vraiment rare parce que Fred, de son vivant, n'avait fait qu'une exposition avec des ventes d'originaux. C'était dans cette même galerie. Et il y a eu une exception qui confirme la règle, une très grande exposition rétrospective de Fred lors du musée d'Angoulême, il y a 4 ans de mémoire. Et c'est vrai que cette exposition à Angoulême présentait des originaux, mais Fred détestait se séparer de ses originaux. Il les gardait précieusement dans des cartons chez lui, dans son atelier. Et quand les originaux quittaient son atelier, à chaque fois, il était vraiment très inquiet. François Le Bescon, éditeur, qui lui-même va se prêter au jeu quotidien du questionnaire dans notre jour. Trois questions à choisir. Alors, j'imagine que je lis cette question. Combien de temps passez-vous devant les écrans de télé d'ordinateur? Alors, d'ordinateur, beaucoup, pour ne pas dire toute la journée. Puisque maintenant c'est absolument incontournable, donc on travaille beaucoup avec les ordinateurs et notamment on reçoit beaucoup de projets nous par ordinateur, des scénarios, des planches. C'est quoi ? 5, 6, 8 heures par jour ? C'est une dizaine de projets par jour. Donc ça peut être aussi bien par courrier que par mail. Donc c'est assez variable, mais de plus en plus la tendance est d'envoyer des projets par mail. Et la télé ? Et la télé, de temps en temps, le soir, oui, ça m'arrive, et surtout pour le cinéma, parce qu'il y a quand même... On trouve de très, très très très beaux films sur certaines chaînes. Donc ça oui, j'avoue, j'aime bien voir les films à la télé. Deuxième question. Aimez-vous Brahms ou lui préférez-vous un autre compositeur? Je ne suis pas très féru de musique classique en fait, donc je ne peux pas vraiment en parler plus que ça. C'est pas quelque chose qui me Quelle qui musique me porte. Écoutez-vous alors? Alors c'est par contre très varié, il n'y a vraiment pas un genre que j'aime plus qu'un autre. Ça peut être, c'est plutôt du jazz, je dirais quand même, un peu plus. Mais y a des tas d'autres choses que j'écoute, mais on va dire le jazz, allez. Allez, troisième question, François Le Bescon. Ah, alors ça me fait plaisir. Quel est votre écrivain de prédilection? Moi j'adore l'humour anglais, comme d'ailleurs Fred aimait beaucoup l'humour anglais. Il disait même l'humour est anglais et je suis pas loin de penser la même chose, et du coup il y a un écrivain que j'adore qui est P.G. Woodhouse, notamment l'auteur de Jeeves, et j'adore l'humour de cet auteur. Merci beaucoup François Le Bescon d'être passé ce matin pour nous parler de l'expo autour de Philémon, de Fred et de ce beau livre que vous sortez chez Dargaud. Je vous laisse faire le générique de fin, c'est une autre tradition de l'émission. Alors c'était Un autre jour est possible, magazine culturel de Tufikakem. Un autre jour est possible, c'est tous les jours de 6h du matin à la radio ou quand vous voulez, en passant sur l'écoute, par l'écoute en ligne et le podcast disponible sur franceculture.fr, réalisé par Thomas Duterre. Cette émission a été préparée avec la complicité d'Anaïs Isbert et Pascaline Bonnet.